Oh mon amour, un malheur nous menace. Tu as pleuré, dis-moi ce qui se passe. J'ai peur de ne pas te revoir avant l'heure de mon départ. J'ai voulu que tu m'embrasses, que tu me serres entre tes bras. Que tu me dises je t'aime, même si c'est pour la dernière fois. La fuite du roi a semé la colère. Les gens s'en foutent et je crains pour mon père. Mon amour, tu sais que je me bats. Moi aussi dans ce camp-là, pourquoi faut-il que je t'aime quand tout me sépare de toi? Je ne veux pas penser que demain tu seras si loin de moi. Quatre saisons pour un amour sincère.